Anatole France, Filles et garçons, scène de la ville et des champs. La dinette, la jolie chose que la dinette, c'est comme on veut, très simple ou très compliqué. On peut la faire avec rien du tout. Dans ce cas, il faut beaucoup d'imagination. Thérèse et sa petite sœur Pauline ont invité Pierre et Marthe à une dinette à la campagne. C'est une dinette priée. On en a parlé longtemps à l'avance. La maman des deux sœurs a donné des conseils. Elle a donné aussi des friandises. Il y aura des nougats et des éclairs, une crème au chocolat. La table sera dressée sous la tonnelle. « Pourvu qu'il fasse beau !» s'écrie Thérèse, qui a déjà 9 ans. À son âge, on sait que les plus douces espérances sont souvent trompées en ce monde, et qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on se propose. Mais la petite Pauline ne se trouble point ainsi. Elle ne saurait prévoir le mauvais temps. Il fera beau, elle le veut. Et voici que le jour de la dinette s'est levé pur et radieux. Pas un nuage dans l'air. Les deux invités sont venus. Quel bonheur, car c'était là, pour Thérèse, un autre sujet d'inquiétude. Marthe était enrhumée, et l'on pouvait craindre qu'elle ne fût point guérie à temps. Quant au petit Pierre, tout le monde sait qu'il manque toujours le train. On ne peut pas lui en faire un reproche. C'est son malheur, et ce n'est point sa faute. Sa maman est d'un naturel inexact. Partout, toujours le petit Pierre arrive après les autres. Il n'a vu le commencement de rien. Il en a pris un air de stupeur et de résignation. Par extraordinaire, il s'est rendu exactement à l'invitation des deux sœurs. Cette fois, sa maman n'a pas manqué le train, parce qu'elle s'est trompée d'heure. Le couvert est mis. À table pour la dinette. C'est Thérèse qui sert. Elle est pensive et sérieuse, car des instincts de ménagère s'éveillent dans son cœur. Pierre découpe galamment. Le nez dans l'assiette et les coudes par-dessus la tête, il divise avec effort une cuisse de poulet. Il n'y a pas, jusqu'à ses pieds, qui ne participe à son action. Mademoiselle Marthe mange avec élégance, sans grand mouvement, sans bruit, comme les dames. Pauline y fait moins de façon. Elle mange comme elle peut, et tant qu'elle peut. Thérèse, tour à tour servante et convive, est contente. Contentement passe joie. Le petit chien Jip est venu manger les restes, et Thérèse songe, en le voyant croquer les os, que les chiens n'ont point inventé toutes les délicatesses qui font des repas des hommes et des dinettes des enfants quelque chose d'exquis.